Maintenant, il y a un élément qui est fondamental à reconnaître, c'est que pour, et on va le voir dans un cours, c'est que pour qu'un médicament soit éliminé par le corps, il faudrait qu'il y aille. C'est logique. Comme on avait dit que pour qu'un médicament soit éliminé par le rein, il fallait qu'il soit fallait qu'il disposait au moins d'un caractère qui est hydrophobique. Là, une molécule hydrophobique ne peut en aucun cas être métabolisée. Pas de poids. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que au niveau hépatique, c'est là où il siège les enzymes de dégradation. Donc une molécule hydrosoluble qui ne peut pas arriver au niveau du siège des métabolisés, de métabolisation, ne serait en aucun cas dégradée. Et la dégradation est une forme d'inhibition. Pourquoi? Parce qu'on a une molécule A qui arrive. Elle est absorbée en tant que A. Elle passe, si elle est administrée par voie orale, elle subit le premier passage hépatique. Elle peut être très dégradée ou très peu dégradée. Il y a très peu de médicaments administrés par voie orale qui ne sont pas dégradés. Pourquoi? Pourquoi cette dégradation est importante pour certaines molécules et pas pour d'autres? Là, la spécificité, on en a parlé, est liée à une réponse. Donc si c'est pas, c'est une affinité. La spécificité est une réponse. L'affinité est une liaison. Les enzymes sont des protéines. Donc, c'est le même processus que l'albumine, sauf que ce sont des protéines de transport. Les enzymes sont des protéines de dégradation. C'est une protéine. Le récepteur est une protéine, mais c'est une protéine de réponse. D'accord ? Voilà. Elle peut, vous allez voir, qu'une molécule peut se lier à un récepteur sans pour autant produire d'effet. Donc il y a une affinité. Mais il n'y a pas de spécificité de réponse. D'accord ? Donc maintenant, on a une molécule, mais pour que une dégradation, pourquoi cette molécule ? D'accord ? Si on est, on va en parler dans le métabolisme, on est une population, on va prendre un gramme d'aspirine chacun, et puis on va se faire des prélèvements de sang. Et on va doser la concentration de plasma. Est-ce que vous pensez qu'on aura la même concentration ? Donc on aura des populations. D'accord ? Des groupes. Au minimum, on sera deux groupes ou trois groupes. Si on prend le même groupe, et puis on attend une heure et demie à deux heures après, et on demande à cette personne d'uriner et de doser le produit de dégradation de l'aspirine dans les urines, c'est-à-dire suite à une métabolisation. Vous allez penser que vous allez penser qu'on aura la même concentration. Non. Donc dans le groupe, on aura également des choses. C'est-à-dire que certains vont dégrader plus vite que d'autres. Qui dit vite, dit vitesse. Et la vitesse, c'est quoi? C'est le rapport de quoi? La distance, mais là on parle de médicaments, c'est la dose, c'est plus une distance, c'est la dose, c'est la quantité sur le temps. Chacun, donc certains vont dégrader 100 mg en une minute, d'autres qui sont plus longs vont dégrader que 50 mg en une minute. D'accord ? Donc on aura une vitesse de dégradation plus importante pour certains et plus faible pour d'autres. Cette vitesse de dégradation est liée à quoi ? C'est-à-dire, c'est également à l'activité enzymatique que vous avez déjà vue, la cinétique enzymatique. Et la cinétique enzymatique également est saturable. Vous avez fait déjà un mot. Parce que les enzymes vont se fixer ou vont fixer une molécule, ils vont la dégrader, mais au-delà, on a un équipement enzymatique. Au-delà de cet équipement, c'est terminé. On ne peut pas dépasser une vitesse de dégradation et on le verra ça le coup sur le métabolisme. Là, c'est tout simplement pour lui dire que on appelle, puisqu'on avait dit, que tout processus qui contribue à l'élimination totale ou partielle d'un médicament de la concentration plasmatique est considéré comme un phénomène de élimination. Vous pensez qu'on a une quantité X du médicament qui a été absorbé, elle se retrouve dans le plasma, elle subit le premier passage hépatique, et on aura quoi? On aura, est-ce qu'on aura la molécule A qui sort? Les métabolites. Donc on appellera ça M, un métabolite. Et à ce moment-là, la concentration de A va faire quoi? Donc le processus qui continue à ce moment-là, à la dégradation, donc, partielle ou totale, est considérée, on considère ce paramètre comme étant que le métabolisme est un paramètre d'élimination, est un processus. On est bien d'accord sur ce principe. Mais est-ce que, la question, c'est la question piège, est-ce que ceci est toujours vérifié? Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ce processus, c'est-à-dire que toute molécule qui subit le premier passage hépatique est dégradée, et à ce moment-là, on dit que c'est un phénomène d'élimination? À quel moment, la question que j'inverse, à quel moment on peut dire que cette molécule A, par rapport à la molécule B, subit une clearance métabolique? Déjà, on peut écarter, de prime abord, on peut écarter les molécules hydrosolubles. Une molécule hydrosoluble ne peut pas subir une clearance métabolique. Voilà, la liposolubilité va permettre de faire quoi? Plus la molécule est liposoluble, plus la molécule pas métabolisée. Ça, c'est faux. Pas dégradé, pas éliminé. Est-ce que la deuxième question, vous répondez tous de la même façon, est-ce que tous les molécules liposolubles sont systématiquement dégradées? Non. Très bien. Et la liposolubilité va permettre quoi? Le passage des molécules. Très bien, pas le passage, c'est la concentration. Va permettre à ce que cette molécule arrive au niveau hépatique, en quantité importante, c'est-à-dire aussi de dégradation. Moins la molécule est hydrosoluble, plus la quantité qui arrive. Ce qu'on vient de dire, la vitesse c'est dq sur dt, c'est quantité sur le temps. Plus la vitesse est proportionnelle à quoi? À la quantité. Donc plus la quantité qui arrive est importante, plus la vitesse de dégradation est importante. On est bien d'accord sur ce principe ou pas? On est d'accord ou pas? Donc pour qu'il y ait réellement une dégradation intense, il faudrait qu'on ramène beaucoup de médicaments au niveau du concasseur. Et le point. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, est-ce que toute cette quantité qui va arriver va être systématiquement totalement dépannée? Pour moi, je dis non. Tout dépend de l'activité. Parce que les molécules n'ont pas une forte activité pour les enzymes. Il y a des molécules qui font ça à toutes les formes. La metformine et l'hypoamine, c'est une molécule qu'on donne dans le traitement, c'est la molécule de référence dans le diabète type 2. C'est une molécule qui n'est pas dégradée, elle est donnée par voie orale. Elle est donnée metformine et elle ressort metformine. Or, elle subit le premier passage hépatique. Il n'y a pas d'enzyme. D'accord? Ce n'est pas une molécule qui est hydrosoluble. Elle est hydrosoluble. Sauf que c'est une molécule qui n'a pas d'affinité pour les équipements enzymatiques, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas d'enzyme ayant une affinité pour cette molécule, où il n'y a pas, cette molécule ne dispose pas d'un groupement pour le rattacher à une des enzymes existantes. D'accord? C'est deux conditions, puisque la définition dit en majorité ou en totalité. C'est-à-dire que je ne vais pas dégrader, si j'ai, je vais schématiser, j'ai 100 000 molécules et que je dégrade 40, d'accord, et qu'il reste 60 qui ressort, on ne peut pas considérer pour cette molécule comme quoi qu'il y a une métabolisation, mais elle ne peut pas être considérée comme étant un phénomène d'élimination. Il y y a métabolisation, mais ce n'est pas un processus. On est bien d'accord sur le principe ? D'accord ? Donc il faut une hyposolubilité et affinité, une forte affinité pour les enzymes de dégradation. Ça, on appelle la clearance métabolique. Le deuxième phénomène qui existe, mais rare, ce qu'on appelle la clearance intrinsèque. Là, il n'y a pas d'enzyme. Il n'y a pas d'enzyme métabolique. C'est-à-dire que le médicament va quitter le compartiment plasmatique pour aller où ? Au niveau du foie, au niveau des hépatocytes. Mais ceci ne peut être vrai, c'est une molécule qui est hyposoluble, mais elle a une affinité pour qui ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a une affinité pour les enzymes ? Non. Non, elle a une affinité pour les hépatocytes tissulaires. C'est comme on avait dit initialement pour le thiopental, c'est un médicament qui se stocke au niveau du tissu adipeux. Là, c'est une affinité, et on dit qu'il y a une séquestration. Est-ce que c'est le terme séquestré ? Séquestré, c'est enfermé de force. C'est un peu emprisonné. Voilà. Absolument. C'est ça la séquestration. Là, la molécule, de par son affinité vis-à-vis des protéines tissulaires, elle est retenue au niveau du foie. Et elle sera relarguée, comme l'exemple du tissu adipeux, elle va être relarguée très lentement, elle va rester plus longtemps, sans prendre de vie au niveau tissulaire, et plus longtemps. D'accord ? Et là, on parlera de clearance intrinsèque. D'accord ? Souvent, et on en parlera quand on sera là, la pharmacospéciale, pour certaines classes, rappelez-vous de ce terme, la pharmacogénérale qui sert de base. Je ne vais plus redéfinir ces mots. Mais vous verrez que dans certaines molécules, pour faire des traitements de toutes les pathologies hépatiques, et là, ce sont des molécules qui ont une clearance intrinsèque. Ce sont des médicaments qui vont se stocker au niveau du foie. Et le lieu de stockage est en même temps lieu de traitement d'action. Les aminosides, à l'inverse, sont des antibiotiques qui sont utilisés pour le traitement des pathologies infectieuses rénales. Ils sont éliminés par le rein, ils restent dans le rein, mais leur concentration, le fait de se concentrer dans le rein, ils traitent toutes les pathologies infectieuses. C'est en même temps, c'est une arme à double tranchant. Ils se sortent. Il y a une durée de contrôle des aminosides. C'est vrai également pour ces molécules. C'est vrai qu'ils traitent, mais de l'autre côté, ils vont générer des nuisances, des effets secondaires. Et les aminosides sont des antibiotiques liste 1. Ils sont nécrotoxiques. Et pourtant, ils traitent toutes les pathologies infectieuses rénales. Il y a les tétracyclines, qui sont également des antibiotiques, qui traitent toutes les pathologies, tout ce qui est angiopolitique, toutes les infections hépatiques et biliaires. Ils se concentrent au niveau, à ce niveau-là, mais souvent ils sont hépatotoxiques. D'accord ? Il y a le bénéfice-risque. C'est les posologies, quand on adapte bien les posologies, on est. On sait, on s'attend que cette molécule soit néphrotoxique ou hépatotoxique, il faut faire attention. C'est à vous de faire attention en suivant le malade clinique et effet secondaire. Parce que ce sont des effets secondaires connus, de par leurs propriétés. D'accord ? La troisième, j'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu compliqué. On dit que certains médicaments sont clearance débit dépendants. Ça veut dire quoi, les médicaments ? C'est-à-dire que lorsqu'ils sont, quand le débit hépatique est normal, c'est toujours une petite quantité de ce médicament qui va être relargué. Sur le plan physiologique, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Ça nous intéresse pas beaucoup. Donc, parce que c'est des le problème se pose si j'ai un sujet qui fait une cirrhose, qui fait une hépatite, qui fait une insuffisance, qui a des valses que je rachète, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Le débit va diminuer. Cette petite quantité qui était censée être diminuée ne va pas l'être. Surtout quand c'est un traitement de courte durée, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est un traitement de longue durée, d'accord ? En parlant de pathologie, je prends l'exemple de l'hypertension. Un traitement qui va durer des années. C'est une petite quantité. Ça va donner une consommation. Et avec le temps, ce petit coup qui va venir, il va provoquer quoi? Tu vas provoquer avant? Très bien, le mot que vous pouvez dire toujours une surcharge, et la surcharge va provoquer. Je vais vous expliquer d'abord la cause avant d'aller à la cause. On est bien d'accord? Ça, c'est rare. Il y a peu de molécules. C'est pour ça que je dis que on la cite dans un cours, mais attendez-vous à deux choses en pharmacoclinique, c'est la clivance métabolique et la clivance intrinsèque. On est bien d'accord? Donc, dans l'élimination hépatique, vous notez, elle se résume en trois processus. Elle se résume en trois processus. Premièrement, la clearance métabolique. Suite à une dégradation enzymatique. Forte liposolubilité. S'il vous plaît, c'est dans une question. Et que dans cette question, on parle de clivance métabolique. Et qu'il n'y a qu'en réponse que la forte liposolubilité. Si vous, voilà, merci beaucoup. Si vous cochez, vous avez rien compris. Parce que c'est une condition qui est insuffisante et nécessaire. Parce que je vous ai donné l'exemple, il y a des molécules qui ont opportunité, qui peuvent arriver et vous sortir, sans pour autant dégrader. D'accord ? On peut raisonner de façon inverse. Si vous avez, pour vous puissiez garder l'image, vous avez deux molécules A et B. A qui est très liposoluble et B qui est B peu liposoluble. La A n'a pas d'affinité enzymatique et la B a une très forte affinité enzymatique. Laquelle qui subit la B, quand même si elle arrive en quantité, elle sera dégradée totalement. D'accord ? On avait dit toujours ce qui ressort. Deuxième processus, c'est la clivance intrinsèque. Clivance intrinsèque. Notez que les médicaments sont séquestrés. Quand je dis médicaments, je sous-entends la molécule. Ceci est vrai aussi bien pour le principe actif que les excipients. On est bien d'accord? C'est valable. Je ne commencerai à parler de principe actif ou la jouissance que lorsque je parle de récepteur. Là, absorption, distribution, élimination, métabolisation, c'est valable. Les médicaments sont séquestrés de par leur affinité, Ils sont séquestrés, c'est emprisonné. C'est le sens, c'est avec force, c'est-à-dire... Je peux enlever, séquestrer, je peux m'exprimer par le fait d'un mécanisme. Je vais dire quoi? C'est des choses qu'on a déjà. Je peux ne pas mettre séquestration et je peux mettre une autre phrase, un autre mot qui sous-entend qu'il y a une séquestration. Anticanisme, je parle d'anticanisme. Ça, c'est la moitié de la réponse. Hein? C'est la moitié de la réponse. Donc, je dis transport, c'est la moitié de la réponse. Hein? Transport actif. C'est contre un gradient de concentration. La séquestration ne peut se faire que si vous prenez, si c'est un transport passif, d'accord. Vous avez pris la majorité, de par son affinité, le médicament a quitté le compartiment plasmatique pour aller au niveau tissulaire, c'est-à-dire au niveau du foie. D'accord. C'est comme pour le thiopental, je vous ai dit, au départ il a été distribué, de par le débit, puis il a quitté pour aller au niveau du tissu un petit peu parce qu'il est, il a une forte hyposolubilité. D'accord. Là, il quitte pour aller au niveau hépatique. C'est son affinité vis-à-vis des hépatocytes qui est plus forte par rapport aux protéines plasmatiques. D'accord. Donc c'est, et ceci ne peut être vrai que si la molécule subit un transport actif. D'accord. C'est nettoyer le plasma pour aller au niveau du pardon, de par donc, séquestré, de par l'affinité vis-à-vis des hépatocytes. On est bien d'accord. Troisième processus. Parce que on considère, on avait dit que tout ce qui se rapporte à faire diminuer la concentration, quelle que soit, ou la concentration plasmatique va diminuer, c'est un phénomène. Je n'ai pas parlé quand j'ai commencé, j'ai pas dit organe, on parle de processus. Le fait que le médicament j'insiste également sur la volonté en disant un transport actif, un passage au très gradient. Si le médicament va au niveau du poids, mais il y a un équilibre isoscolaire entre le plasma et le tissu, ça n'est pas diminué, ni en totalité, ni en majorité. Donc on ne peut pas continuer. Le même problème sur la clémence métabolique, j'ai dit, si le médicament est très hypotonique, mais qu'il rentre et qu'il ressort, la molécule A qui est rentrée, c'est la molécule A qui est ressortie, on ne peut pas parler du phénomène. On est d'accord. Dernier mécanisme, clearance, débit, dépendant. C'est un mécanisme. C'est un mécanisme qui ne peut être validé. D'accord ? Il ne peut être validé qu'en cas d'atteinte pathologique. En cas d'atteinte hépatique. Ceci ne peut être validé qu'en cas d'atteinte hépatique. Lorsque le débit de perfusion. On est bien d'accord ? Je ne demande pas de vous embêter avec ce mécanisme, j'ai dit il est rare, parce qu'il n'y a pas de très peu de médicaments. On va prendre un exemple très simple. C'est une molécule qui est censée être dégradée par le corps. Vous avez une cirrhose. La molécule, donc le débit de perfusion, est diminué. La molécule ne pourra jamais atteindre le poids. Elle ne sera pas dégradée. Donc, c'est ce qui pose le problème quand on parlera des interactions, quand on parlera des effets secondaires, lorsque les populations vulnérables rencontrent les populations telles que la femme enceinte, on parle des insuffisances cardiaques et on va parler des toxicomanes. Toxicomanes, tout ce qui est drogué, alcoolique. Là également, on va affecter une étape, si, en tout cas, chez la COVID, c'est le métabolisme. Autre organe de métabolisation dont on a parlé, on a cité les principaux. Votre camarade parle de voie biliaire. Avant de noter, commenter quoi que ce soit. On va essayer de discuter sur cette voie parce qu'elle est un peu particulière. D'accord ? L'élimination du bien, ça ne fait pas toujours. Et elle n'est pas toujours vérifiée. Il y a deux positions. Il y a deux problèmes, deux problématiques. La première, c'est que les médicaments peuvent être éliminés par la vie. D'accord ? Il faudrait qu'ils parviennent à la vie. D'accord ? Mais ils n'arrivent pas comme ça vient. Généralement, comme la bilirubine. Très bien, ils arrivent sous forme conjuguée. D'accord ? Ils arrivent sous forme conjuguée, et en fonction du poids moléculaire, soit ils sont éliminés par le rein, quand c'est un bas poids moléculaire, inférieur à 300, mais si c'est supérieur à 300, donc le glomérule ne peut plus les filtrer, d'accord ? Ils sont éliminés, rejetés au niveau intestinal. D'accord ? Mais au niveau intestinal, il y a un problème. Voilà. Il y a des enzymes, on appelle les glucuronidases. Les glucuronidases, vous avez des médicaments conjugués. Vous avez des médicaments, vous avez son conjugué. Automatiquement, l'enzyme va passer dans ce glucuronide et le médicament va se retrouver sous forme libre. D'accord ? Il va être réabsorbé. Il sera réabsorbé à une condition. La réabsorption. Donc j'allais répondre, mais en même temps je suis bloqué. Parce que je vous dis que chaque fois qu'on parle de passage, il faut que vous ayez en tête un défi. Systématiquement, si vous voulez garder vos raisonnements. Dès que je suis mis à passage, la première question que je vous pose, c'est quel est le mécanisme de passage ? Non, un mécanisme de passage, mon père. Est-ce que, très bien, c'est une fusion, pourquoi ? C'est ça. D'abord, vous posez-vous la question. Si vous connaissez le mécanisme, j'ai dit tout à l'heure, une molécule, peut-être une molécule, un médicament conjugué, peut être éliminé par le rein, parce que le glucuronide est hydrosoluble, c'est une acide OH. Cette molécule peut être éliminée par voie urinaire, à une seule condition, que l'ensemble ait un poids, un bas poids moléculaire, parce que vous avez le glomérule qui est déjà, c'est lui la sélection. On est bien d'accord, c'est le pH. Maintenant, au niveau intestinal, est-ce que c'est un problème de pH ? Non, parce que j'ai dit que la molécule, que le complexe est scindé. Et on a un médicament sous forme libre. Qu'est-ce qui se passe ? Il peut être réabsorbé. Quel mécanisme de réabsorption ? Je ne vais pas mettre quel mécanisme ? Actif, non. Passif. Diffusion passive. Donc il faudrait que la molécule soit libre et qu'elle soit non ionisée et lipopolluée. Vous avez dit que c'était un cours simple. Mais du moment que vous avez fait ça en physiologie, vous avez tendance à l'oublier. Or, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Définissez pas le mécanisme. Voilà comment ça se passe. Là, au moins, voilà le mécanisme. Et après, le reste va s'impliquer. Allez-y, derrière. Mais vous, vous n'avez pas le temps. Non. Posez-vous la bonne question. À ce moment-là, mon médicament ne peut être réabsorbé. Il est libre, puisqu'on avait dit, classe. Il est cassé. Parce qu'à l'état conjugué, il ne peut pas être réabsorbé. C'est clair. Dans le cas urinaire, il peut le faire, mais dans le cas intestinal, il ne peut pas. Donc, il y a les enzymes. Ceux qui ont été cassés, le complexe, le médicament est libre, il peut être réabsorbé à condition qu'il soit non ionisé et liposoluble. Si des médicaments subissent ce mécanisme, et bien, on appelle ce mécanisme comme étant un circuit entéro-hépatique. Il va faire. Quelle est la problématique ? Quelle est la problématique des signes hépatiques ? Demain, vous avez un médicament, et vous voyez dans ce médicament, on vous dit que ce médicament subit le cycle entéro-hépatique. Ça va vous aider à quoi ? Ça va vous apporter quoi ? Vous, clinicien, thérapeute. Je commence par le clinicien, on va le traiter par les thérapeutes. Alors, ce n'est pas de la science-fiction. Je demande d'être, de rester logique avec vous-même. Si on veut être surchargé. Ce que vous dites est juste, bien. Vous voulez juste. Verbe, sujet, complément d'objet direct, indirect. La dose. Où est-ce que la dose? Très bien. Il faudrait que là, la dose soit. Et pourquoi? Parce que non seulement vous donnez le médicament au malade, mais le malade va faire un apport indirect sur la touche de quantité qui va venir, ce que vous n'avez pas calculé, par une réabsorption qui revient dans le sang. Et qui sera, parce qu'elle sera sous forme libre, elle sera aussi active. Donc, les posologies, okay, c'est sur le plan clinique. Non. En tant que clinicien, si vous devez prescrire un médicament, que vous sachiez que vous allez constater que c'est une molécule qui subit le cycle entérocal. Très bien, s'il y a des problèmes. Le cycle intestinal. Gastrique, intestinal, peau. Hépatique. Beaucoup plus. Parce que c'est le foie qui la reçoit. C'est pas le au niveau intestinal qui nous a dit gastrique. C'est voir est-ce que ce cycle ne peut pas être majoré encore en cas d'insuffisance. Donc c'est toute pathologie hépatique. Est-ce qu'on est bien d'accord sur l'élimination biliaire? On est bien d'accord? Un peu? Beaucoup? Pas du tout? Hein? Un peu? Oui, un peu aussi. Parce que vous n'avez pas retenu, je vous résume en disant qu'un médicament, lors du premier passage hépatique, d'accord, il y a des médicaments qui sont dégradés, d'accord, pour casser, on va voir le métabolisme, il y a des médicaments qui subissent le même mode que certaines molécules endogènes, et je vous ai donné l'exemple de la bilirubine. Ils vont être conjugués, ils subissent ce qu'on appelle la phase 2 de dégradation, ils sont conjugués. Pourquoi la conjugaison? Parce que la conjugaison a l'acide glucuronique a plein d'OH. Il permet de transformer la molécule A qui était liposoluble en une molécule hydrosoluble. D'accord? Et cette molécule va être éliminée via la bile. D'accord? Elle se retrouve au niveau de la minière intestinale. Maintenant, ce médicament conjugué peut être soit éliminé par voie rénale, à condition que le PM soit faible, de la 300 ou 250, soit que si le PM est supérieur, il subit l'élimination biliaire obligatoire. Mais il y a un problème à ce niveau-là parce qu'il y a des enzymes intestinales qui peuvent casser ce qu'on appelle le glucuronite, c'est-à-dire casser la combinaison entre le médicament et l'acide, qu'on appelle le conjugué, et transformer, si je parle médicament, transformer la bilirubine liée en bilirubine libre. Donc si je mettez-vous en tête, je parle de bilirubine au lieu de dire médicament. Cette bilirubine, d'accord, qui est libre, elle est liposoluble. D'accord? Si elle est sous forme non ionisée, si je parle de médicament, elle va être et absorbée. Ce phénomène est appelé cycle entéro-hépatique. D'accord ? Si ? Ça peut être éliminé par le FSS. Soit la glace conjuguée est éliminée par le FSS. C'est pour cela que souvent, vous avez constaté, quand on voit chez les nouveau-nés, les couleurs des selles sont verdâtres. Pourquoi ? Parce qu'il y a une immaturité de l'équipement enzymatique. Et la bilirubine n'est pas. C'est la porphobilinogène qui est sera dans une couleur verte. Et quand il commence à avoir son métabolisme, le vert passe au jaune. Mais c'est un normal. D'accord? Même si c'est que du lait. Il y a des protéines. D'accord. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur... C'est bon maintenant? C'est clair? Maintenant, il y a un mais. Avant de commencer, il y a toujours un mais. Est-ce que l'élimination biblique est toujours validée? Est-ce que... Validée, c'est qu'elle est vraie. Est-ce que les médicaments qui sont éliminés par... qui passent par le foie, éliminés par... ne sont pas dégradés, éliminés par le foie biliaire, d'accord, sont en totalité. C'est-à-dire que on peut considérer la voie biliaire comme étant une voie d'élimination pour tous les médicaments. Non, pas du tout. Pourquoi? Résorption. C'est vous. Un jour la vie. Le problème, est-ce qu'on peut considérer revenez au mot clé. On avait dit que la voix, une voix ne peut être que si elle permettait de dire en totalité ou en majorité. D'accord? Donc c'est le médicament. D'accord? Le médicament va, par le poids, arriver au niveau de la bile. Alors, comment? Par quel mécanisme? Si le médicament arrive par un mécanisme de diffusion passive. En fait, il ressort dans la circulation générale. La concentration entre la bile, le foie et le sang, elle sera la même. Elle sera, on va dire, équivalente. Est-ce qu'on considère ça comme un phénomène d'élimination? Non. On n'a pas contribué à diminuer la concentration à ce niveau-là. Pour que la concentration diminue, il faudrait que transport. Transport, il faudrait que le mécanisme soit contre un gradient. Seul, à ce moment-là, si un médicament diffuse par un mécanisme de transport actif au niveau biliaire, là, on a le droit de dire que la bile ou la voie biliaire est une voie d'élimination ou un processus d'élimination. Si le mécanisme est passif. On n'a rien fait pour diminuer la concentration. En totalité, la définition est bien. En totalité ou en majorité. Je n'ai pas diminué ni en totalité, la vie en totalité, ni pas en majorité, puisque j'ai les mêmes concentrations. Automatiquement, pas que les mêmes. Diminution. On est bien d'accord? Vous notez, s'il vous plaît, que l'élimination, cette voie, ne peut être vraie, cette voie ne peut être vraie que si, le médicament diffuse, par un mécanisme actif. Vous êtes d'accord? Le médicament est excrété par la bile sous forme conjuguée. Le médicament peut être excrété par la bile sous forme conjuguée. Et subit deux voies d'élimination. Et subit deux voies d'élimination. élimination urinaire. L'élimination urinaire conditionnée par le BM, par le poids moléculaire, le poids intérieur. Inférieur. Il faudrait qu'elle soit inférieure. Dans certains bouquins, vous pouvez même 250. Donc inférieur à 300. Et l'élimination fécale, l'élimination fécale, intestinale, si vous voulez, pour les molécules de haut poids moléculaire. Pour les molécules de haut poids moléculaire. Notez qu'à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la lumière intestinale, ces molécules, ces médicaments conjugués, sont hydrolysés. Sont hydrolysés par les enzymes. Je mets entre parenthèses glucuronidase. Les glucurons, comme l'acide glucuronique, glucuronidase, sont donc hydrolysés par la glucuronidase, libérant la molécule. Donc les glucuronidases libérant la molécule sous forme libre. Pouvant être réabsorbé. Et vous allez mettre réabsorbé entre parenthèses. Passivement, c'est-à-dire par un mécanisme passif. Maintenant, qui dit mécanisme passif va dire, sous-entend liposoluble non ionisant. Un tel mécanisme est appelé cycle entéro-hépatique. Un tel mécanisme est appelé cycle entéro-hépatique. Oui. Pardon ? C'est mon équipe. C'est mon équipe rejetée au niveau de la piscine. Bon, c'est bien le cycle. Si tout revient, en tout revient, on va par la suite, ils subissent également, au fur et à mesure, l'élimination régressive. Tant que le corps de l'élimination est plus lent. Généralement, ça c'est pour vous montrer à peu près comment on peut savoir. Ce n'est pas pour les cliniciens, c'est généralement pour les fondamentalistes. Quand on fait des études sur un médicament, je vous ai appris que la cinétique d'un médicament, c'est une phase ascendante et une phase descendante avec un Cmax. Quand on donne une dose unique. D'accord ? La phase d'absorption, de distribution, phase de métabolisation, élimination. D'accord ? Pourquoi je dis métabolisation, élimination ? Parce que je parle de façon générale. Il y a des médicaments qui ne sont pas métabolisés, donc automatiquement, ça, c'est une phase d'élimination. Pour les médicaments qui subissent le cycle entéro-hépatique, qu'est-ce qui se passe ? Quand on donne une dose, on a ce qu'on appelle une biodisponibilité. Quand on calcule, on a une biodisponibilité qui se rapproche de 1, c'est-à-dire 100%. D'accord ? Mais quand on donne, quand un médicament subit un cycle entéro-hépatique, la biodisponibilité est comment ? Supérieure à 1. Pourquoi ? Parce que quand on prend la cinétique va faire ça. Au lieu de l'élimination, il y a une réabsorption. La quantité qui était censée être éliminée, elle sera réabsorbée. Voilà comment se fait, comment on peut savoir qu'un médicament subit le cycle entre. C'est-à-dire la quantité qui est censée être éliminée va être réabsorbée. Elle revient dans le sang. Elle va donner une petite quantité. Si on avait donné, en fin de compte, c'est pas, on n'a rien donné, c'est la quantité qui était censée être éliminée qui sera réabsorbée. Et quand on calcule la surface, et on va trouver que la surface, quand on fait l'intégration de la surface, on va la trouver supérieure à. Ah, c'est comme ça qu'on peut savoir qu'un médicament, sur le plan technique, au plan de calcul, une molécule subit le cycle entéro-dépassé. Les molécules qui chaînent, je dis bien quand on dit chainter, ça veut dire éviter la première fois, mais pas tout le temps. Parce qu'ils vont revenir dans la circulation, ils vont repasser. Sauf que, bien sûr, chainter, c'est une rebellion. Mais là, l'examen, je sais. D'accord ? C'est ce qu'on appelle chanté. Le camarade dit que chanté, donc on donne la voie IV. La voie IV, par exemple, pour les anti-inflammatoires, parce qu'ils sont irritants pour la muqueuse, ils chantent la muqueuse gastrique, mais ça n'empêche pas que, à force d'abuser, même par voie intramusculaire, on finit par avoir une irritation parce que le médicament va repasser. Il sera redistribué. Donc on aura toujours les mêmes effets. Ça évite, dans un premier temps, on minimise le risque, mais on ne supprime pas. La même chose pour le médicament qui chaîne le premier passage hépatique. Donc on injecte, le médicament n'est pas dégradé. Pourquoi ? Parce que l'effet va apparaître plus rapidement, sur le plan d'efficacité, mais il va être dégradé. D'accord ? Non. Donc, comme on a dit, est-ce qu'on peut dire dans ce cas c'est une surcharge ? J'ai dit non. C'est pour cela que j'avais posé la question tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'il faudrait faire sur le plan en tant que thérapeute ? Vous avez répondu qu'il faut aller faire attention à la posologie. Élimination pulmonaire. Je vais, avant de noter ce qu'il y a sur le tableau, je le dis parce qu'il n'y a pas grand-chose. Est-ce que tous les médicaments sont éliminés par le poumon ? Non. Non, vous avez dit. Eh bien, ça va dépendre des propriétés. Les biochimiques, les médicaments, vous voulez qu'ils soient volatiles ? Agents volatiles, vous voulez qu'ils soient ? Oui ? Bon. Quelque chose de plus simple, de simple, de pas bien compliqué. Très bien, merci, merci. Je veux que ce soit un gaz. Alors, j'ai dit. Donc, il faut qu'il soit gazeux et volatile. Et on revient à la même chose que la voie d'absorption. Il faudrait également qu'il ressorte. Même pour ça, il faudrait que le gamète soit. C'est la même chose. Pour vous dire que c'est ce qui est conditionné. On dit que malgré sa grande surface d'échange, c'est aussi important. Il dispose d'un équipement enzymatique plus performant que le rein. Et son fond débit de perfusion aussi important que le foie. Mais malheureusement, c'est un organe limité. Pourquoi ? Tout simplement, c'est contrôlé par le médicament, par la molécule. Pour que le poumon soit une voie de sortie, il faudrait que ce soit un médicament sur le corps de gaz, entre les anesthésiens. On est rentré par cette voie qui ressort en suivant des mouvements gazeux, soit que c'est un aérosol, d'accord, ou bien une molécule volatile. Exemple d'un sirop ou d'un support qu'on utilise beaucoup chez les enfants. Quand vous mettez un sirop ou un support chez l'enfant, tout complètement, c'est du cran, c'est la laine du cran. Pourquoi ? Parce que le corps à 37 degrés est déjà volatile. L'alcool est un produit. D'accord ? Mais les gens qui prennent de l'alcool ont la laine qui manque l'alcool. Pourquoi ? Parce que l'alcool à 37 degrés est déjà volatile. Donc il y a la laine un peu. D'accord ? peut sortir par cette voie à condition qu'elle soit donc gazeuse ou volatile. Et quand il y a volatile, il y a également la taille de la particule. Comme il rentre, il doit respecter l'entrée, il doit respecter ça. Et c'est pour cela que je vais vous dire que ce n'est pas réellement, on ne peut pas considérer l'entrée thérapeutique comme médicament. Il y a très très très peu, et on ne considère pas le poumon comme étant, sauf dans le cas qui intéresse beaucoup les spécialités, surtout l'anesthésiologie, anesthésiologie, une voie qui nous exploite beaucoup parce que c'est très important pour eux, et sur la ventilation, hein, la PO2, la PCO2, on se voit. Alors vous notez ce qu'il y a sur la planche en rajoutant tout simplement pourquoi ? Parce que c'est conditionné par les propriétés physico-chimiques. La molécule soit gazeuse ou volatile. La gaz, c'est une propriété chimique. Volatile, c'est une propriété chimique. Un gaz, ça a la particularité, simplement, dans la même position. C'est la zone. Volatile, c'est une molécule organique. Qui n'existe pas dans l'air comme ça. Mais pour des conditions, soit on le prend, comme j'ai dit, la ventoline, une substance organique, on met sous pression pour transformer cette molécule en micro-particules très vite pénétrées par contre une molécule pour transformer quelqu'un de l'équipe de la vie. Ça, c'est donc l'esprit qui est volatile et non la vie. Un gaz de l'air. Et là, je vais vous laisser ce conflit, vous voyez, la zone qui considère la zone qui considère la zone qui considère la zone. J'ai dit, bon, la zone, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est une molécule organique qu'on a transformée en micro-particules liquides. C'est qu'on n'a pas ça. C'est le parfum. Déodorant, c'est quoi? C'est un parfum qu'on a mis sous pression. Donc, en vrai, vous avez des micro-particules qui sortent. Vous ne sentez pas que vous avez des liquides qui sont dedans. Ce n'est pas de bon. Vous ne sentez pas ça. Donc, c'est du liquide qui sort en micro. C'est du micro. On termine par les autres voies. Les autres voies. La voie salivaire, la voie lactée et les mammaires. Est-ce qu'on peut considérer la voie salivaire comme étant une voie d'élimination? Non, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vos médicaments sont éliminés à tout le monde? Oui. Tout avec qui va? Est-ce que vous considérez une question bête, une jeune réponse bête? Combien de secrets de sa vie par jour? Allez-vous. Pour moi, c'est un... Parce qu'on a des dopages. ça ne veut pas, on ne va pas tester le joker. On va tous prendre le cheval. Et le prélèvement, c'est quoi? On fait le prélèvement de salut. Tout simplement parce que si vous voulez, pour qu'on recherche une molécule de quelque chose dans la salive parce qu'on doit la trouver. Mais pour cela, il faudrait. Oui, mais pour cela, il faudrait qu'elle soit. Merci beaucoup, après ça, par hyposolu. Parce qu'une molécule d'hypo, c'est de la salive, c'est de la flotte, c'est de l'eau. On ne peut pas. Et les médicaments qui sont éliminés, même chez nous, par la salive, d'accord, sont mieux que les médicaments soient hypo. Solubles comme nous. Réellement, même si c'est beaucoup de médicaments hyposolubles qui sont éliminés par la salive, ne sont pas réellement éliminés parce qu'on les abat. En vélo, ça devient un peu sous les pas, ça va, et cette fois, et tout le monde. D'accord, à partir de la salive, jusqu'à la déshydratation. Avant de noter sa diversité, je vais vous expliquer. L'élimination lactée, c'est l'inverse. Est-ce que l'élimination lactée est toujours vraie? Oui. L'élimination lactée, oui. Avec votre grand-mère. Elle est toujours vraie ou pas? Oui. Il y a deux conditions. Ça dépend. C'est-à-dire, très bien, liposoluble. C'est les médicaments qui sont liposolubles. Et deuxièmement, non, quelque chose de normal. Vous avez du mal. Toxicomanie, d'accord, c'est le Production lactée, le taux de prolactine est élevé, etc. Mais le risque, on s'entend, et que je sois clair, ne dis pas ce que je n'ai pas dit, que le risque dans ce cas n'est pas probablement, c'est beaucoup plus. Quand je dis il y a un risque pour une molécule qui subit le cycle entérohépatique, le risque est pour le malade. Là, le risque n'est pas pour le malade, mais pour plus pour le nouveau, pour le bébé. Pour les femmes, monsieur, oui, ce voie lactée, voie d'élimination. Hein? Voie d'élimination. Bien sûr. Je dis sous voie d'élimination à condition. Il y a deux conditions, sinon c'est pas une voie d'élimination. Et surtout, c'est la deuxième qui faudrait que la femme soit à l'étang. Sinon, ça sert à rien. Élimination par les fanères. Donc, elle ne concerne qu'une molécule ayant une force à diminuer. Quelques d'élimination sans faire de conditions. D'accord. Les molécules comptent pour cérébro ou la femme à l'étang. Et pour le calcium, il s'agit des angles et des dents. Porte affinité pour les mouvements, thion, S, c'est-à-dire SH. Et une porte affinité pour le calcium, il s'agit de la denture, la D, zo. Vous mettez donc le titre du prochain cours. C'est le métabolisme. Métabolisme des médicaments. Pas de questions ? Voilà.